الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence maintenant le cours 89 dans le livre عقيدة أهل السنة والجماعة du Cheikh ibn Salih Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen رحمه الله. On est toujours dans الإيمان باليوم الآخر, le pilier de la foi en le jour dernier, et on est en train d'expliquer donc certains éléments. On était en train d'expliquer la foi en le paradis et l'enfer, des choses qui ont rapport avec ça. Donc on va continuer dans cette explication-là, Inch'Allah. Donc au dernier cours, on expliquait, ceux qui ont été mentionnés par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme étant les habitants du paradis ou les habitants de l'enfer. Et le cheikh, il expliquait un des fondements ou un des principes parmi les principes d'Ahl Sunnah wal Jama'a à ce sujet-là, et c'est que on ne doit pas désigner ou témoigner pour quelqu'un qu'il sera au paradis ou en enfer, excepté si le Coran ou la Sunna a mentionné que cette personne sera au paradis ou en enfer. Et le cheikh expliquait que le témoignage du Coran et de la Sunna à ce sujet-là peut être soit pour un individu ou soit pour une description. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a parfois mentionné que un individu en particulier sera en enfer ou au paradis. Hein? Allah et son messager, ils ont mentionné ça. Soit de façon spécifique, ou bien ils ont mentionné des caractéristiques qui font qu'une personne qui les possède mérite soit le paradis ou l'enfer. Donc on va lire cette partie-là où on était rendu justement. Il dit « ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل مؤمن تقي لمؤمن أو تقي » Donc, pour la description de l'individu, on avait mentionné les 10 parmi ceux qui ont été promis au paradis. On avait mentionné on avait mentionné Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Talha, Zubayr, Abu Ubaida ibn al-Jarrah, Sa'd ibn Abi Waqqas et Sa'id ibn Zayd, si je ne me trompe pas. Et on a mentionné également Thabit ibn Qais, Bilal ibn Abi Rabah, et on a mentionné d'autres également qui ont été désignés comme par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant au paradis. En ce qui concerne les descriptions maintenant des individus, ou plutôt les descriptions, c'est-à-dire les caractéristiques, on voit par exemple que dans les textes du Coran et de la Sunna, il y a la mention de ceux qui tout croyant ou bien toute personne qui est mu'min et qu'il sera au paradis, ou quelqu'un qui est taqi, ça veut dire il a taqwa, c'est-à-dire quelqu'un qui fait ce que Allah ordonne et qui s'écarte de ce qui est interdit. Donc ça, c'est des caractéristiques de ceux qui seront au paradis. Et donc le cheikh, il explique, il dit kullu mu'minin nashhadu lahu bil jannah وكل تقي او كل تق تقي نعم تقي وكل تقي نشهد له بالجنه قال الله تعالى في الجنه اعدت للمتقين فكل متق فهو في الجنه ولكن لا نشهد لفلان الذي رايناه في ظاهر حاله متقيا انه من اهل الجنه ولكن نقول نرجو له أن يكون من أهل الجنة أما أن نشهد لفلان من الناس أنه في الجنة فلا لأن الرجل قد يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس وهو من أهل النار كما ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. Donc ici, le cheikh, il explique que toute personne qui est croyante, eh bien, on témoigne qu'il sera au paradis. Et toute personne qui est taqi, hein, c'est-à-dire qui a taqwa, on témoigne de, pour lui qu'il sera au paradis. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran à propos du paradis, U'iddat lil muttaqin. Il a été préparé pour les muttaqin. Hein? Donc toute personne qui est taqi, eh bien on peut dire que il sera au paradis. Hein? On peut témoigner que s'il est taqi, si quelqu'un est mu'min ou taqi, qu'il sera au paradis. Sauf que le cheikh il spécifie, et ça c'est un point important. Il dit sauf que on n'a pas le droit de témoigner de, à propos d'une personne que nous on voit dans son apparence qu'il a l'air d'un taqi ou qu'il a l'air d'un quelqu'un qui est muttaqin, que on n'a pas le droit de dire ah lui il sera parmi les gens du paradis. Sauf que qu'est-ce qu'on a le droit de dire, c'est on espère pour lui qu'il soit parmi les habitants du paradis. Mais de dire à propos de quelqu'un, un tel, il est parmi les mu'minines, donc il sera au paradis, ou il a l'air d'être parmi les muttaqin, donc on va dire qu'il est au paradis, on n'a pas le droit de dire ça. Pourquoi? Parce qu'une personne peut faire les actions des gens du paradis dans ce qui est apparent aux autres, mais il fait partie des gens de l'enfer. Comme c'est mentionné dans les hadiths du messager, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit, un homme peut faire les actions des gens du paradis dans ce qui est apparent pour les gens, dans ce que les gens voient, sauf qu'il fait partie des gens de l'enfer. D'accord? Et il y a beaucoup d'exemples de ça dans la sunna. Hein? Il y a beaucoup des exemples de ça dans la sunna. Et après, le cheikh dit, وَسَبَبُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي غَزْوَةٍ وَكَانَ شُجَاعًا مِقْدَامًا وَلَا يَدَعُ لِلْعَدُوِ شَاذَّةً وَلَا فَاذَّةً إِلَّا قَضَى عَلَيْهَا فَقَالَ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فعظم ذلك على الصحابة وخافوا وقالوا في أنفسهم كيف يكون هذا الرجل من أهل النار إذن أين نحن أين نكون نحن فقال أحد الصحابة والله لألازمنه يعني أتابعه فكانت النهاية أنه أصيب بسهم أي هذا الرجل الشجاع ومعلوم أن الرجل الشجاع إذا أصيب صار ذلك عنده عظيما كبيرا فعظم ذلك عليه فجزعه فأخذ بسيفه واستأله ثم وضعه على صدره واتكأ عليه حتى خرج من ظهره والعياذ بالله يعني حتى خرج من ظهره والعياذ بالله فقتل نفسه فأصبح الرجل غاديا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم بما وهو يعرف أنه يشهد بذلك ولكن ليبين الآية التي دلت على أنه رسول الله قال إن الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار ففعل كيت وكيت قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم من أهل الجنة. Donc, ici, le cheikh explique que le hadith qu'on a lu, qui est le hadith suivant, que quelqu'un peut faire des actions des gens du paradis, d'après ce qui est apparent pour les gens, et malgré tout, il est parmi les gens de l'enfer. Et le cheikh, il explique ça en disant que la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole, le contexte de ce hadith, c'est qu'il y avait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam un homme qui était dans une bataille et il y avait un homme qui était extrêmement courageux. Il était au devant dans les premiers rangs sur le front. Hein? Et à chaque fois qu'il se mettait devant quelqu'un parmi les ennemis, il affrontait l'ennemi et puis il n'en laissait jamais, excepté qu'il finissait avec lui, il le tuait complètement. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui l'arrêtait. Il était extrêmement courageux puis fort. Il écrasait, il tuait tous les koufars et les mouchrikines sur le terrain de bataille. Alors, quand les sahabas ont vu ça, ils étaient impressionnés par lui. Alors, quand ils sont allés voir le prophète, et le prophète a dit à propos de cet homme-là, lui, il est parmi les gens de l'enfer. Lui, il est parmi les gens de l'enfer. Alors, les sahabas étaient comme surpris et choqués, hein? Et ils ont eu peur à ce moment-là parce qu'ils se sont dit en eux-mêmes, si cet homme-là qui est courageux, qui est fort dans le combat et qui montre aucune peur et qui est vraiment fort, lui, il est parmi les gens de l'enfer, alors où est-ce que nous, on va être dans ce cas-là, hein? Si c'est le cas de cette personne, alors qu'est-ce qui va nous arriver à nous? Alors, il y a un d'entre les sahabas qui a dit par Allah, moi je vais le suivre ce gars-là. Je vais le suivre pour voir qu'est-ce qui va lui arriver. Alors il l'a suivi pour voir pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit ça à son sujet. Hein? C'est comme s'il veut, il veut en avoir comme on dit, il veut avoir le cœur net. Il veut avoir la certitude, la conviction. Donc, il l'a suivi. Finalement, il a vu que l'homme, il s'est fait tirer par une flèche. Il a été atteint par une flèche des ennemis. Et l'homme qui est habituellement courageux, qui est fort, quand il se fait frapper ou qui se fait tirer par une flèche, c'est quelque chose qui est grave pour lui. Hein? Donc, il a commencé à se plaindre et qu'est-ce qu'il a fait? La douleur était trop grande pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le manche de son épée sur le sol et la pointe de l'épée sur sa poitrine. Et il s'est laissé tomber sur la lame de son épée. Et donc, il s'est suicidé de cette façon-là. Alors, son épée est sortie par son dos. Wal'iyadhu billah. Donc, il s'est suicidé. Et donc, le sahabi qui avait dit, je vais le suivre, il est reparti directement voir le messager d'Allah. Et il était tout. D'un côté, il était heureux parce que c'est comme pour lui, c'était comme une confirmation de ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avait dit. Hein? C'est comme si ça a augmenté sa conviction et sa foi. Alors, il est allé voir le messager d'Allah, il a dit, Ô messager d'Allah, je témoigne que tu es le messager d'Allah. Alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dit, mais pourquoi? Comme si en voulant dire, il savait ça déjà de lui, que c'était quelqu'un qui témoigne que. Il est le messager d'Allah puisqu'il est musulman. Alors il demande, pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qu'il y a de spécial maintenant pour que tu dises ça? Et il lui a expliqué qu'est-ce qui est arrivé. Il a dit, j'ai suivi cet homme au sujet duquel tu avais dit qu'il allait être en enfer et j'ai vu qu'est-ce qui est arrivé avec lui. Il a été frappé par une flèche, puis finalement il s'est tué. Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, l'homme peut faire des actions parmi les actions des gens du paradis, dans ce qui est apparent pour les gens, alors qu'il est parmi les gens de l'enfer. Donc il dit que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que on soit parmi les gens du paradis. Après, le cheikh dit, Fal mas'alatu khatiratun. Walakin, tout ça pour dire quoi? Pour dire que quand on parle des caractéristiques que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées à propos des croyants, des pieux, des musulmans, des gens sincères, Allah dit qu'ils seront au paradis. Donc, toute personne qui remplit cette caractéristique, il fait partie des gens du paradis. Sauf que, on n'a pas le droit de dire à propos d'une personne, lui, parce qu'il est croyant. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit ceux qui font la salat, donc c'est des croyants. Donc, je vois des gens, ils font la salat, donc ce sont des croyants. Donc, par conséquent, lui, il fait la salat, donc il est un croyant. Donc, je dis de lui, ah, toi, tu es parmi les gens du paradis. Ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, on n'a pas le droit de faire ce témoignage-là. C'est ça, exactement. Donc, le cheikh, il dit, qu'est-ce qu'on dit? On dit, les croyants, de façon générale, ils sont au paradis. Mais l'individu en particulier, est-ce que tu vas dire de lui qu'il est au paradis? Tu ne peux pas dire ça. Parce que pour dire ça, il faut une preuve, soit du Coran et de la Sunna, que tel individu en particulier sera au paradis. Et ça, on ne le sait pas. Excepté pour ceux à qui le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit il sera au paradis en tant qu'individu. Donc, on n'a pas le droit de le témoigner pour une personne spécifique. Mais on peut espérer pour le croyant. La personne qui fait des bonnes œuvres, qui s'écarte des péchés, on espère pour lui le paradis. Hein? Et on souhaite pour lui le paradis parce qu'il fait les œuvres des gens du paradis. Mais on ne peut pas le dire avec détermination ou certitude. Après, le cheikh, il dit, donc, « Al-mas'alatu fal-mas'alatu khatiratun, walakin liyabshir al-abd, anna Allah lan yakhzula abdahu al-mukhlisa abadan. » فمتى كان الإنسان مخلصا لله مبتغيا مرضاته فلن يخذله لأن الله أكرم من أن يخذل عبده المؤمن وإذا كان الله تعالى يقول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا فلا يمكن أن يخذله أبدا فلا يمكن أن يخذله الله أبدا ولكن قد يكون في القلب أجارنا الله وإياكم وأعاذنا وإياكم سريره خبيثة باطنة ككراهته للحق أو لبعض الحق وحقد على المؤمنين وغل وما أشبه ذلك من الأمور التي تهوي به في مكان سحيق. Donc le cheikh il dit, ça c'est une question extrêmement dangereuse. Mais que le croyant se réjouisse du fait que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas abandonner son serviteur sincère. Il ne va jamais l'abandonner. Donc du moment que le serviteur, que l'être humain, il est sincère avec Allah, qu'il est pur dans son intention et dans ses œuvres, et qu'il fait tout ce qu'il fait uniquement pour Allah et en cherchant l'agrément d'Allah seulement, Allah ne va jamais l'abandonner. Allah ne va jamais le décevoir. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est beaucoup plus noble et beaucoup plus généreux que d'abandonner son serviteur croyant. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le hadith Qudsi, quiconque se rapproche de moi de la longueur d'une main, eh bien je me rapprocherai de lui de la longueur d'un avant-bras. Et quiconque se rapprochera de moi de la distance d'un avant-bras, eh bien je me rapprocherai de lui de la distance d'un bras au complet, de la longueur du bras au complet. Al-shibr, c'est des doigts jusqu'à la paume, c'est jusqu'au poignet. Et Al-Dhira, c'est du bout des doigts jusqu'au coude. Et Al-Ba', c'est de l'épaule jusqu'au doigt. Hein? Al-Ba'. Donc, pour dire que plus que plus que tu vas te rapprocher d'Allah, Allah va se rapprocher encore plus de toi. C'est ça que ça veut dire. Le hadith, c'est dans ce sens-là. Donc, l'important dans le hadith ici, c'est pas nécessairement de savoir la distance exacte. Est-ce que c'est 30 cm? Est-ce que c'est 50 cm? Est-ce que c'est 1 mètre? Ça, c'est peu important. L'important, c'est de comprendre que, comme Allah, il le dit dans le hadith, plus que tu te rapproches toi, eh bien, Allah, lui, va se rapprocher encore plus de toi. Ça veut dire que tu as juste à faire un petit effort vers Allah et Allah, lui, va faire le plus grand effort vers toi ou le plus grand mouvement vers toi. Dans le sens qu'il va avancer plus vers toi. Et ça, c'est important parce que des fois, l'être humain, il se décourage. Ou bien l'être humain, des fois, il est découragé ou attristé. C'est pour ça qu'il ne faut jamais perdre l'espoir en Allah et en sa miséricorde. Et des fois, je reçois des messages de certains frères, là. Et puis, la façon comment ils me posent des questions, j'ai comme l'impression que ils sont au bord du désespoir. Subhanallah, on dirait que ils voient tout leur monde est devenu tellement noir et obscur. Et puis, y a des frères, des fois, ils me posent des questions, ils me disent, ça y est, j'arrive plus à faire la prière, j'ai abandonné ci, j'ai abandonné ça. Subhanallah, Mets ta confiance en Allah, demande à Allah de t'aider, fais les causes, perds pas l'espoir en la miséricorde d'Allah, subhanallah. Tu vois, des fois, c'est ça, des fois je me dis, subhanallah, pourquoi les frères ils se laissent aller comme ça, hein? C'est possible qu'un être humain, il passe par des périodes où sa foi elle baisse, il a des difficultés dans sa vie, il n'a pas qu'est-ce qu'il voudrait, ou il voudrait des choses mais ça fonctionne pas. Il faut pas se décourager, hein? Parce que la vie c'est comme ça. Mais il faut toujours s'accrocher à Allah subhanahu wa ta'ala, mettre ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme la salat, tu dis Allah subhanahu wa ta'ala, dis-toi dans ta tête, dis-toi dans ton cœur que Allah il t'a créé pour la salat. Et donc tu dois dire je vis pour prier et je prie pour vivre. Hein? Si tu as cette mentalité-là, si tu penses de cette façon-là, tu vas jamais manquer ta salat. Tu vas jamais manquer ta salat parce que tu vas réaliser que la raison pour laquelle Allah t'a créé, c'est pour que tu pries. Hein? C'est ça le but de ton existence, le but ultime de ton existence, c'est l'adoration d'Allah. Donc tu vis pour prier et tu pries pour vivre parce que c'est en priant que tu arrives justement à augmenter ta foi, à garder ta croyance, à garder ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça va ensemble. Et c'est comme un genre de moteur, hein? C'est comme un genre de dynamo. Plus tu pries, plus que hein, ta foi augmente. Et tu as besoin de prier. Et plus que tu réalises que Allah t'a créé pour ça, eh bien c'est ça qui va t'encourager à le faire. Et tout ce qui est en dehors de ça, c'est des choses qui doivent être établies pour t'aider à continuer à le faire. Continuer à faire ton adoration. Donc il ne faut pas que ça devienne un obstacle. Oui, en même temps aussi, plus que tu vas être éprouvé. Donc, il y a des gens, par exemple, ils mettent la prière comme en deuxième position ou au deuxième plan. Et ils disent, bon, en premier, je vis pour hein, travailler, pour faire ma dounia, pour m'organiser dans ma vie, faire mes affaires. Puis, en deuxième, je fais ma prière quand j'ai le temps. Mais si tu penses comme ça, c'est normal que plus le temps avance, ben, plus tu vas négliger. Puis plus tu vas te laisser aller, puis plus tu vas perdre tes adorations. C'est exactement ça aussi, c'est un bon point. C'est comme s'il y en a qui pensent que du moment qu'ils font, qu'est-ce que Allah ordonne, ils pensent qu'il faut que tout soit parfait par la suite, qu'ils vont vivre dans un monde où tout va être hein, l'harmonie et tout va être bien à 100%, ils n'auront jamais d'ennuis, jamais de problèmes. Hein? Alors, si c'est comme ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont pas être éprouvés. Ils veulent juste que tout soit comme du miel pour eux. La vie, ils veulent que ce soit toujours comme le Koufa dit, la vie en rose. Hein? Allah, il nous a pas créés sur la terre pour ça. Cette terre, cette vie dans ce monde, c'est une vie d'épreuve. C'est une vie de test. Hein, il nous a créés pour nous éprouver. Donc, si tu vas penser que tu vas être croyant, c'est comme il y a des gens qui disent, ah, mais si un pays applique l'islam et il juge selon la charia d'Allah, ça veut dire qu'il doit avoir le PIB le plus fort, il doit avoir une économie le plus puissant, il doit pas y avoir aucune pauvreté dedans, il doit pas y avoir du chômage, il faut pas qu'il y ait non plus hein? Il doit pas avoir de péché, il doit pas avoir de corruption, personne va voler, personne va mentir, hein? Tout le monde va être 100% pieux, hein? Les mosquées vont être pleines pour le fajr tous les jours, sans exception à personne qui va être en retard à la mosquée. Mais qu'est-ce qu'ils pensent ces gens-là? Ils veulent vivre dans le paradis sur terre ou quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas voulu que les choses se fassent comme ça. Il a voulu qu'il y ait justement des péchés, des imperfections, des erreurs, des égarements pour que les gens puissent se repentir et pour que les gens puissent justement yani, être éprouvés les uns par les autres. C'est exactement ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous éprouve des fois, justement, c'est pour notre bien. S'il y a des choses qui nous arrivent, des malheurs, des pertes de biens, des pertes de santé, des maladies. Donc, Ça, c'est des normales. Ils disent, ah, nous, on veut un monde, si on applique l'islam, ça doit être comme un monde idéal, parfait. Ça doit être comme, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de... Yanni, ça, c'est une utopie. Hein? Qu'est-ce que ces gens-là, ils ont dans la tête? C'est un genre d'utopie. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, il y a un verset dans Sourate Shura qui exprime exactement ça. Et je le mentionnais l'autre jour à un frère. C'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, c'est le verset 27 dans Sourate Shura. Il dit, « Walau basata Allahu ar-rizqa li'ibadihi » لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si Allah donnait de ses dons avec largesse à tous ses serviteurs et qu'il leur donnait le risque, hein, à tout le monde, لبغوا في الأرض, c'est-à-dire ils auraient fait des abus sur la terre, ils auraient transgressé. Si les êtres humains ils avaient tout ce qu'ils voulaient, ça, il y aurait du désordre. Il y aurait des abus, les gens ils transgresseraient les limites. Mais il fait descendre selon une mesure, hein, ce qu'il veut. Il fait descendre avec mesure ce qu'il veut. Et quand il veut. Hein? C'est le verset 27 dans Sourate Shura. Et qu'est-ce qu'il dit après, à la fin du verset? Il termine le verset en disant, Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Hein? C'est-à-dire, il est parfaitement connaisseur de ses serviteurs et clairvoyant. Donc, ça veut dire que il connaît la réalité de l'être humain. Il sait comment l'être humain il est. C'est lui qui l'a créé. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir. Hein? Est-ce qu'il ne va pas connaître ce qu'il a créé lui-même? Hein? Oui, parce que la repentance, c'est une ibada. Et c'est obligatoire. Et Allah, il est pardonneur. Ghafurun, Ghaffarun. Et il aime pardonner. Le shirk, il ne pardonne pas. Excepté si quelqu'un se repentit. Allah, il va lui pardonner s'il se repent. Et justement, c'est le qadar. Le qadar, c'est le prochain pilier dont on va parler. Inch'Allah. Non. Exactement, exactement. Donc, pour revenir au sujet, hein, le cheikh il expliquait, il disait ensuite, Fala yumkinu an yakhdhulahu. Donc, si tu es sincère avec Allah, hein, Allah il va jamais t'abandonner. Il va jamais te laisser aller dans l'enfer du moment que tu es sincère avec lui. Tu dis quelqu'un, par exemple, comme l'exemple de l'homme qu'il a mentionné, il faisait beaucoup d'efforts, faisait beaucoup de bonnes actions, il combattait. Puis, à la fin, qu'est-ce qui est arrivé? Il a été frappé, il s'est suicidé, il est mort. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quelqu'un peut faire des bonnes actions dans qu'est-ce qui est apparent, et tu penses qu'il va être parmi les gens du paradis, parce qu'il fait les actions des gens du paradis. Mais il est en enfer. Hein? Donc, ça, c'est l'exemple qu'il a donné. Puis après, il a dit, mais... Tu dois avoir confiance en Allah, que Allah, si tu es sincère avec lui, il va te donner une bonne fin. Il va te donner une bonne conclusion. Mais ça veut pas dire que tout le monde que tu vois faire des bonnes œuvres, qu'ils sont nécessairement sincères. Il est dans l'enfer parce qu'il a Allah la personne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il allait être en enfer. Parce que tu n'étais pas là quand on a lu le hadith. Mais si tu veux, je peux le répéter pour toi. Oui, le péché, le suicide, si quelqu'un il se suicide, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné qu'il y a des menaces pour ça. C'est-à-dire, si quelqu'un se tue, il y a des menaces de l'enfer pour lui. Comme par exemple, il a dit, celui qui s'est suicidé en sautant en bas d'un ravin, il va sauter en enfer dans un ravin à chaque fois. Il continue à se suicider dans l'enfer. Hein? Mais dans l'enfer, tu ne peux pas mourir. Même si tu essaies de te tuer, tu meurs pas. Hein? Et si quelqu'un s'est tué avec une corde, il s'est pendu, il va se pendre comme ça dans l'enfer à répétition. Mais il ne peut pas mourir. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, ici, cet homme-là, il était courageux, il était fort, il combattait les mouchriquines. Après, il s'est fait frapper d'une flèche. Là, il ne pouvait plus supporter la douleur. Il a mis son épée par terre, la poignée par terre, puis il a mis la lame sur sa poitrine, puis il s'est laissé tomber sur son épée. C'est ça. Il a perdu l'espoir, ou bien il a trouvé peut-être c'était trop dur, la douleur, ou je ne sais pas quoi. Eh bien, il a décidé qu'il fallait mieux en finir. Alors, il s'est mis sur son épée, puis il est mort. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Inna ar-rajul la ya'malu bi'amali ahli al-janna fi ma yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar. » Donc, quelqu'un, il peut faire, d'après ce qui est apparent aux gens, il fait les actes des gens du paradis, mais en réalité, il fait partie des gens de l'enfer. Donc, le cheikh, il a dit, du moment que tu es sincère, que tu es mukhlis, et que tu fais les efforts pour te rapprocher d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il va toujours venir vers toi. Il va toujours t'aider. Et il dit, walakin qad yakunu al-qalb. C'est possible que parfois le cœur, en apparence, la personne, elle montre du bien, mais il y a une saleté ou quelque chose qui est mauvais qui est caché à l'intérieur. Comme par exemple, il y a des gens, au fond d'eux-mêmes, ils détestent la vérité. Ou bien ils détestent une partie de la vérité. Ou bien ils ont une rancune ou une rage envers les croyants. Une rancune contre les croyants. Ou des choses de ce genre. Et ça peut être une cause qui fait que même s'ils font des bonnes œuvres, eh bien, à la fin de leur vie, ils dévient ou ils cessent de faire le bien, puis ils tombent dans l'égarement, puis ils vont en enfer à cause de ça. Donc, c'est pour ça que dans plusieurs hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Innamal a'mal bil khawatim. C'est ça. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est la conclusion. Comment tu termines ta vie? Et le cheikh, il dit: Walihada, ana ukarriru da'iman. أن يركز الإنسان على تطهير القلب. قال تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا فطهر قلبك من الشرك والغل والحقد وكراهة ما أنزل الله حتى ولو كان في أمر سهل فلا تكره شيئا مما شرعه الله أبدا. لأنه ربما يختم للإنسان أجارنا الله وإياكم بسوء الخاتمة. Donc il dit, le cheikh, il dit, c'est pour ça que je répète tout le temps et je concentre beaucoup sur ça, que il faut que un homme purifie son cœur tout le temps. Il dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset: Ô notre Seigneur, pardonne à nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi et ne mets pas de rancune dans nos cœurs pour ceux qui ont cru. Donc, purifie ton cœur du shirk, de la rancune, de la haine ou de détester quoi que ce soit de ce que Allah a révélé. Jusqu'à ce que, il dit, même si c'est une chose qui est très simple ou une chose qui est, qui te paraît petite ou insignifiante ou facile. Il y a déjà, par exemple, comme qu'est-ce que j'expliquais, moi j'ai parlé de l'isbal. Et le danger de faire ce péché-là, de laisser les vêtements descendre en bas de la cheville. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on parle de ça. Des fois, j'ai parlé de la barbe. J'ai expliqué que c'est obligatoire de la laisser pousser. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Et peut-être que le fait que ces gens-là, ils se mettent à détester ça, ils savent pas qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence. Et peut-être que, comme le cheikh il dit ici, le fait qu'il déteste quelque chose que Allah a légiféré et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, eh bien, peut-être qu'à cause de ça, la personne, elle va avoir une mauvaise fin. Il dit que Allah me préserve ainsi que vous-même de la mauvaise fin. Ensuite, il reste 10 minutes. Donc, je pense que on va s'arrêter ici. En tout cas, on va lire la conclusion, puis après, on verra. Le cheikh il dit: فالحاصل أننا لا نشهد بالجنة لرجل وإذا رأينا فالحاصل أننا لا نشهد بالجنة للرجل إذا رأيناه متقيا ظاهرا ولكن نقول نرجو أنه من أهل الجنة. وكذلك أيضا الشهادة، فلو أن رجلا قتل في صف المسلمين فقتله الكفار وهو مجاهد، فلا نشهد له بالشهادة أبدا. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله لهذه المسألة بقوله في الصحيح: باب لا يقال فلان شهيد. واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بما يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فقال والله أعلم بمن يكلم في سبيله. فجعل العلم في ذلك إلى الله عز وجل لا إلى الظاهر. Donc on va terminer avec ça pour aujourd'hui. On expliquera la suite au prochain cours, Inch'Allah. Donc, il explique que, pour résumer, qu'est-ce qu'on a expliqué par rapport à ce point-là, c'est qu'on n'a pas le droit de témoigner par rapport à un individu ou une personne, même si on voit qu'en apparence, il a des signes de piété, il a des signes de quelqu'un qui est croyant et de bien, on n'a pas le droit de témoigner qu'il sera au paradis. Mais, par contre, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, nous espérons pour lui le paradis. On souhaite pour lui le paradis. Et il dit de même que quelqu'un qui est mort dans les rangs des croyants, des musulmans, pendant le combat ou pendant le djihad contre les kuffars. C'est la même chose pour le fait d'être un martyr ou d'être un shahid. On n'a pas le droit de dire à propos de quelqu'un de façon déterminante ou de façon certaine, « Fulan shahid, un tel c'est un martyr ». On n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'on est en train de dire qu'il est au paradis. Mais on espère pour lui qu'il soit shahid. Mais la réalité de qu'est-ce qu'il a dans le cœur et comment il est mort et est-ce qu'il est mort pour Allah ou non, c'est seulement Allah qui le sait. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de témoigner de ça. Et ça fait partie des éléments de la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a. Parce que tu vas voir parmi les gens de Bid'a ou bien parmi les Hezbiyin, ils vont dire à propos d'un tel ou d'un tel, Fulan Shahid, un tel a le Shahid. Il y en a même, ils l'appellent, ils disent le Shahid Fulan. Comme s'ils savaient le Ghaib. Comme s'ils connaissaient qu'est-ce qu'il avait dans son cœur. Et ça, ce n'est pas permis. Et même que l'imam al-Bukhari, dans son Sahih, il a mis un titre pour un des chapitres, La yuqalu Fulanun Shahid. Il a dit, un des titres de son livre dans Sahih al-Bukhari, on ne dit pas à propos d'une personne ou d'un individu qu'il est shahid. Et il a utilisé comme preuve la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que une personne qui a été tuée dans le sentier d'Allah, il dit, et Allah sait mieux qui est mort dans son sentier, excepté qu'au jour de la résurrection, il va être ressuscité et sa blessure va laisser couler. On va voir le sang qui coule de sa blessure par laquelle il a été tué. Le sang sera la même couleur que le sang, mais l'odeur sera comme l'odeur du musc. Et ça, c'est pour les shuhada au jour de la résurrection. Leur sang va avoir une odeur de parfum, comme du musc. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et Allah sait mieux qui est mort dans son sentier ou qui s'est fait tuer dans son sentier. » Donc, il a ramené la connaissance de cela à Allah et non pas à qu'est-ce qui est apparent. Donc, même si toi, en apparence, tu vois la personne, tu dis « Ah, il est mort dans le sentier d'Allah », mais tu ne sais pas réellement est-ce qu'il est shahid ou non, c'est seulement Allah qui sait qui peut savoir cette chose-là réellement. Et un point à ce sujet-là et par rapport à cette question, certains parmi les hizbines, encore une fois, ils ont mentionné, par exemple, à propos de certaines personnes qui étaient dans certaines batailles dans certains pays musulmans à notre époque et qui sont morts dans certains pays. Je ne vais pas mentionner de pays en particulier, mais juste pour vous faire savoir que c'est arrivé à notre époque. Et ils ont dit, des gens qui sont morts et ils sont des shuhada et on a senti l'odeur de leur parfum, comme s'ils sentaient le misc quand ils sont morts. Alors que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ça, c'est au jour de la résurrection que l'odeur de leur sang va être comme le misk, pas dans cette dunya. Hein? Donc ils disent, regardez, ça c'est les karamates. Hein? Fulan, il est mort, et puis yani, il sentait le misk et des choses comme ça. Et il est mort avec le sourire ou des choses comme ça. Yani, ça des fois, c'est juste des histoires que ces gens-là, ils racontent juste pour se donner une tazkiya à eux-mêmes, hein? Pour se purifier eux-mêmes. Et pour, yani, Allahu a'lamu bima fi qulubihim, mais de déformer le sens du hadith pour essayer de justifier leur point, ça c'est malhonnête d'agir de cette façon-là. Donc le hadith, il est vrai, mais le hadith concerne le jour de la résurrection. Les martyrs qui vont être ressuscités, leur sang va sentir le misk. Mais ce n'est pas dans cette vie d'ici-bas que c'est mentionné. C'est dans l'au-delà. Et il y a des ulama qui ont mentionné ce point-là, justement, qui ont spécifié là-dessus. Et on va revenir sur le sujet quand, au prochain cours, Inch'Allah, on va expliquer que le cheikh va élaborer d'autres exemples à ce sujet-là. Et puis, il va clarifier certaines ambiguïtés aussi. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين